découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Que pourriez-vous faire pour sortir de votre train-train quotidien? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors soyez les bienvenus dans mon émission Autour de vous qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je reçois Dag et sa femme Karine. Bonjour, comment ça va tous les deux? Bonjour, c'est bon. Bonjour, nous allons très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, donc moi c'est Karine, j'habite au Girmont, je suis verrière au Chalumeau et je travaille à notre domicile avec mon mari. Donc le mari c'est Dag, c'est moi donc, et je travaille également le verre et on se réveille le matin, on s'est dit chouette, qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui? Et puis on monte dans notre atelier qui est dans la même maison qu'on habite et on fait fondre du verre et puis on crée des choses selon notre imagination, selon ce qu'on a cogité la nuit. Et puis à la fin de la journée, on est fatigué mais heureux. Ah, c'est bien ça de faire un métier, déjà d'avoir un travail, mais en plus qui nous plaît, c'est encore mieux. Ah oui, absolument, oui. Tant tout à fait. On disait tout à l'heure, avant d'enregistrer l'émission, que vous n'étiez pas d'ici, vous êtes d'où du coup? Ah, ça c'est une bonne question, parce que si on devait écouter nos accents, on ne trouve pas nécessairement. Parce que c'est... moi je suis en France depuis 80, donc ça fait un petit moment, des coins différents, etc. Et du coup, l'accent il se forge un peu par rapport à ça. Je suis norvégien d'origine, et je suis venu en France à l'âge de 20 ans. Et moi, ça fait 30 ans que j'habite en France aussi, mais moi, je suis néerlandaise d'origine. Voilà. Ouais, c'est un beau mixage, tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle Batav Création. Oui, c'est un petit clin d'œil à mes origines. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession à tous les deux? Ben, comme je disais tout à l'heure, nous sommes donc des verriers au chalumeau. Nous faisons donc fondre des baguettes de verre, surtout. Moi, je travaille avec le verre de Murano et Dag, il travaille avec un autre type de verre un peu plus dur. Donc, au chalumeau, pour faire des bijoux, des objets de décoration, des décorations de Noël, par exemple, des verres, des dragons, ce genre de choses. Bref, tout ce qui sort de notre imagination. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut un diplôme pour exercer cette profession? La formation, pour l'instant, bon, il y a des choses qui sont en train de changer parce qu'il y a le CERFAV qui est en train de mettre en place des formations. Mais ce qu'on appelle, peut-être d'une façon un peu pompeuse, la verrerie artistique, il n'y a pas d'école pour ça. Pour tout ce qui est des verreries, des laboratoires, les éprouvettes, les gros ballons, des trucs comme ça, il y a effectivement le lycée d'Orient sur Paris, entre autres. Et sinon, pour tout ce qui est des verreries artistiques, ce que nous on fait, bah, il faut faire la tournée des anciens et puis se former comme ça. De temps en temps, même aller faire un petit tour à l'étranger, comme par exemple à Venise, à Murano, voilà. Alors, quelles qualités il faut, selon vous, pour être verrier? Oh, c'est une bonne question. Si j'avais une réponse à ça. C'est assez... Habituellement, quand les gens ils voient ce qu'on expose, ils disent « Ah, mais il faut de la patience. » Et puis moi, je réponds « Non, ce n'est pas la patience qu'il faut, c'est la passion. » Aussi, oui. Parce que quand on est passionné, bon, la patience, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on ne compte pas le temps, on ne regarde pas trop les difficultés parce qu'il y en a. Mm-hmm. La courbe d'apprentissage n'est pas un chemin tout lisse, tranquille. Le chemin peut être droit, mais la pente est très raide. Waouh, c'est poétique. Ouais. Quelle belle image. Alors, depuis combien de temps vous êtes verrier? Oh, bonne question. Je pense que toi, c'est bientôt 10 ans. Ouais. Donc moi, oui, ça doit faire 10 ans, ouais. Ouais. L'année prochaine, c'est 10 ans, ouais. Mmh. Donc moi, ça doit faire quoi, 7 ans? Un peu moins que toi. Oui, mais pas beaucoup. Non. Oui, 7-8 ans peut-être, je ne sais pas. Oui, je ne me rappelle même pas exactement. Non, bah, le temps passe tellement vite. Et puis, on compte pas des heures, on compte pas les années. Et puis, à un moment, on est assis à la table pour le petit déjeuner. On s'est dit, tiens, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Et puis, on n'arrive même pas vraiment à se rendre compte, quoi. Vous faisiez quoi avant d'être verrier? Vous allez rire. Alors, moi, j'ai été assistante maternelle pendant 10 ans. Donc, je gardais des enfants. Et Dag, il était dentiste, voilà. Bah, donc ça n'a rien à voir avec le verre, mais... C'est vraiment un tournant à 180 degrés, comme on dit. Oui, facilement. Avec un salto en plus. Même plus, ouais. Oui, non, c'est ça. Quelque part, c'est un vieux rêve, parce que quand j'étais gamin, j'avais vu des verriers à la canne. Donc c'est pas la même chose que nous on fait, c'est quelque chose un peu plus monumental... encore plus volcanique, avec leur four où ils vont aller piocher un peu de verre en fusion. Et ça m'a bien impressionné comme gamin, et puis je trouvais ça chouette. Et vous, Karine, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît le plus, en fait, il y a tellement de choses qui me plaisent, que je ne sais pas trop. J'aime créer, je me réveille pas mal la nuit avec des idées en tête et le lendemain matin, je me mets au chalumeau parce que je veux absolument essayer de faire ce que j'ai eu comme idée dans la nuit. Et quand ça marche, bah, c'est super. Et si ça marche pas, bah, on fait de sorte qu'on adapte et puis à la fin, ça marche quand même. Donc ça, c'est super. Les rencontres avec le public aussi. Que les gens, ils aiment ce qu'on fait, qu'on entend que ah, c'est joli ou oh, c'est original, ça fait du bien aussi. Je ne sais pas ce qui me plaît le plus dedans. Mais en tout cas, ça me permet de créer des choses. On est dans un monde à part quand on crée. On est tellement concentré qu'on se trouve un peu ailleurs dans un monde parallèle. Tiens, ça sonne bien. Ça sonne très bien. Comment est-ce que vous pouvez manipuler une matière aussi fragile que le verre? Depuis quand c'est fragile? Bon, on va retourner ça par une question. Est-ce que vous avez joué aux billes, vous? Oui, ouais. Il y a longtemps. Et ça cassait souvent? Quand il y a un camarade qui tapait un peu trop fort dedans, oui, ça fêlait, disons, un peu. Oui, oui, un petit peu. Mais ça donne une idée de la solidité du verre. Et tout le monde est là, mais c'est fragile. Mm-hmm. Eh ben non, on utilise du verre tous les jours. Le pichet qui est devant moi sur la table, là, il est en verre. Mm-hmm. Il n'a pas cassé encore. Non, pour l'instant, ça va. Ça fait un petit moment qu'il est là, voilà. Et pareil, quand on ouvre le placard, on a pas mal de choses en verre. Ça casse pas. Mm-hmm. Enfin, sauf si on pique une crise et qu'on jette ça par terre. Mais ce n'est pas l'usage qui est normalement, il n'est pas fait pour ça. Les plats dans le four, tous ces fameux plats Pyrex, mm-hmm. qu'on traite et qu'on maltraite, quand on fait des flans, des puddings, des rôtis, etc., bah c'est du verre. Il mm-hmm. y a plein de choses comme ça en verre. Les tables qu'on a, qui sont transparents, c'est du verre. Et certes, c'est un verre un peu technique, mais c'est quand même du verre et ça c'est casse solide. Pas comme ça. Mm. Il y a plein de portes en verre, etc., etc. Non. Le verre est beaucoup plus solide qu'on imagine. Après, ça dépend de l'usage qu'on en fait et la façon qu'on le traite et la façon qu'on le travaille nous aussi, parce qu'on peut effectivement créer des stress dans le verre en le chauffant, en le travaillant. Si on ne respecte pas la matière, effectivement, on peut créer des fragilités, mais si on respecte bien la matière et qu'on la travaille comme elle doit être travaillée, à ce moment-là, le résultat final sera quelque chose de solide. D'accord. Et par exemple, les verres qu'on met dans le lave-vaisselle, est-ce que ça les abîme au fil du temps ou pas? Alors, on a l'impression que le verre est complètement lisse en surface, qu'il n'y a pas de porosité dedans. Bon, en somme, il y a quand même des petites porosités. C'est pour ça que le verre, une fois qu'il a séjourné quelque temps dans la lave-vaisselle, finit par se griser un tout petit peu. Et c'est le fait, c'est pas le fait de le passer en lave-vaisselle, c'est le fait de le laisser séjourner une fois que la machine a fini. Si on le vide tout de suite, on évite d'avoir le verre qui grisaille. Hein. C'est quand il reste, qu'il reste un peu poreux et qu'il y a des vapeurs qui rentrent dedans, etc. Il se raye aussi dans le lave-vaisselle des fois. Je ne sais pas si c'est l'usure ou... Oh, il peut se rayer, ça peut être l'usure, ça peut être le type de verre qui est utilisé. Il y a des verres qui ne sont pas nécessairement faits pour la lave-vaisselle aussi. Et faire mieux de le laver à la main à ce moment-là. On ne va pas jeter le cristal de la grand-mère dans la lave-vaisselle. Il y a des petites limites. Personnellement, je ne mets pas les verres à vin blanc ni les verres à bière. De toute façon, les verres à bière, il n'y a pas de place, mais les verres à vin blanc, c'est jamais dans le lave-vaisselle. Non, c'est clair que les pichets de bière d'un litre, ça rentre mal dans la lave-vaisselle. Et les verres à pied, si les pieds sont un peu longs aussi, effectivement, ça pose problème. Donc, il vaut mieux laver ça à la main. Mais nous, ce n'est pas notre rayon. On fait des verres à pied fantaisie de temps en temps. Mais c'est plus les figurines, les bijoux, des choses comme ça. Et à part certains articles un peu coquins, le reste, ça ne passe pas dans la lave-vaisselle. Comment est-ce que vous travaillez le verre? Une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on travaille le verre? Bon, le verre, c'est une matière un peu dure, un peu froide. Et puis, on le chauffe. Et en le chauffant, il va commencer à ramollir. Il va commencer à envoyer de la lumière. Parce que si en chauffant le verre, c'est le verre qui va nous renvoyer une espèce de lumière jaune, un peu chaude. Et puis ça va commencer à se ramollir plus. Et si on continue, ça va commencer à goûter. Et ça devient comme de la lave en fusion, et c'est justement c'est la partie intéressante de la chose, parce que c'est là où on va avoir une matière volcanique, quoi, quelque part, qu'il va falloir arriver à dompter un peu pour le faire passer là où on veut. Donc on peut le travailler soit avec des outils pour aplatir, arrondir, etc., mais on peut aussi se servir des choses comme la pesanteur. Si on veut que ça, quelque chose prenne une courbure vers le bas, ben on le chauffe de sorte que la pesanteur va ramener le bout vers le bas. Si on le tourne, on va former une boule, la force centrifuge qui va jouer, etc. Donc c'est un ensemble de plusieurs choses, que ce soit les forces qu'on trouve dans la nature ou que ce soit des outils qu'on va utiliser pour former. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le verre? Oh, je pense que l'émission n'est pas assez longue pour ça. qu'est-ce qu'on peut faire avec du verre? Bon, on peut faire partir d'un objet complètement rond, comme la bille, sa variante avec un trou au milieu qui s'appelle la perle. Ensuite, on peut faire des choses plus ou moins plates. On peut faire des pendentifs. Il y a des gens qui font du fusing, donc qui font des assiettes. On peut souffler des verres. On peut... la liste est tellement longue que... Je pense que c'est... La limite, c'est en gros, c'est l'imagination. Est-ce que le verre chauffé au chalumeau est moins fragile qu'un verre qui est soufflé? La réponse, elle est... Non. Ce n'est pas la technique de travail qui va jouer là-dessus. C'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire l'objet qu'on va créer, l'épaisseur de la matière, etc., etc. Donc c'est pas la technique de production qui va jouer sur ça. Combien de temps est-ce qu'il vous faut en moyenne pour créer quelque chose avec du verre? Ça dépend de l'objet en fait. Parce qu'une perle, ça peut se faire en quelques minutes. Et Dag, il crée des pendentifs où il peut mettre, si on prend la durée totale, plusieurs jours. Tout dépend de ce que c'est. Est-ce que, par exemple, quand c'est tout petit, ça demande plus de temps aussi à faire, parce que c'est peut-être plus délicat? J'ai des collègues aux États-Unis qui font des toutes petites insectes de la taille naturelle d'un insecte. Ah oui. En verre. Et il met beaucoup de temps. Je peux aussi faire... un objet qui est grand et qui va prendre beaucoup de temps. Mais c'est clair que souvent, quand c'est petit, ça demande une autre précision. C'est plus compliqué de rajouter des détails, par exemple. Donc, ça ne joue pas toujours sur la durée, mais peut-être plus sur le degré de difficulté. Vous disiez que des fois, vous créez à partir de votre imagination, mais des fois, ce que vous imaginez, est-ce que ça ressort vraiment comme vous le vouliez ou pas ? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Il y a des choses que j'aimerais bien faire que physiquement, ça ne serait pas possible. Parce qu'on peut imaginer, si on fait un dessin de quelque chose qui éclabousse, on peut dessiner les gouttes sur la feuille. Mm-hmm. Parce que la feuille va être le support, donc on a un support pour nos gouttes. Tandis que si je vais faire la même chose en verre, je ne pourrais pas, sans autres artifices, laisser mes gouttes suspendues dans l'air. Ah oui. Il va falloir que je les accroche avec des ficelles ou des fils de pêche, des trucs comme ça, ce qui n'est pas vraiment mon style. Donc il va falloir que je traduise ça visuellement différent. Mm-hmm. Donc, de temps en temps, on va tordre un peu ce qu'on a imaginé dans la nuit pour l'adapter à la matière, ce qui rajoute un challenge supplémentaire et qui rend d'autant plus intéressant le processus, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un atelier tous les deux ? Oui, on travaille dans notre atelier, dans notre maison, en fait. Mais on travaille dans la même pièce, on a chacun notre plan de travail avec notre four, notre chalumeau, ce genre de choses. Ouais. Donc l'atelier, oui, c'est dans le même bâtiment, on peut venir nous voir, hein. C'est accessible. Alors, quelle est l'œuvre dont vous êtes le plus fier ? Bonne question. si je savais. C'est là que généralement les gens y répondent. Oh, ce sont mes enfants. Mais là, on parle de verre, donc c'est un peu nos enfants aussi, le verre. Plus fier, non. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai réussi quand je l'ai fini. Mm-hmm. Puis 5 minutes après, je le regarde. Finalement... Et puis, le lendemain, je suis passé à autre chose. D'accord. Et vous, Karine ? C'est à peu près la même chose. Je suis contente quand j'ai eu une idée et que j'arrive à transformer ça en perle ou en objet. Hier, je m'étais lancée dans la création d'une crèche, mais sous forme de petit lutin. Mm-hmm. Donc, c'est pour Noël. Et c'est pas encore fini, mais c'est en bonne voie. Je suis très contente. Mais une fois que ce sera fini, je vais sûrement avoir une autre idée et me dire, allez, ça va être super. Et puis, et c'est parti pour un tour, quoi. Voilà. D'accord. Alors, combien de temps est-ce qu'il vous faut en moyenne pour faire un bijou ? Alors, un bijou, ça dépend. Ça va être l'émission des « ça dépend ». Parce que si je fais des boucles d'oreilles, je travaille sans moule pour les perles, donc c'est tout à la main levée. Donc, je fais des séries de perles dans l'espoir d'avoir au moins 2 perles qui se ressemblent suffisamment pour être dans la même paire. Une fois que j'ai mes perles, il faut que je fasse le montage. Donc, j'ai beau avoir une idée dans la tête de comment je veux les monter, mais une fois monté, c'est pas forcément que ça rend pas forcément aussi bien que j'avais en tête. Et à ce moment-là, il faut démonter, tout refaire, etc. Donc, ce qui pourrait être fait en montage en 5 minutes, ça peut me prendre 2 heures, parce que si ça ne va pas comme je veux. Et tes pendentifs à toi... Ça, c'est un autre chapitre. Voilà. Alors, ça peut être plusieurs jours. Mm-hmm. Ça peut être 3 quarts d'heure. La difficulté de celui qui va prendre plusieurs jours n'est pas nécessairement plus grand que celui de 3 quarts d'heure. Si j'arrive à faire quelque chose en 3 quarts d'heure, c'est que j'ai bien travaillé et que je sais parfaitement où je vais aller avec et que je maîtrise ces techniques. Ce qui prend plusieurs jours, c'est notamment parce que pour faire tel et tel bijou, j'ai besoin d'un tube en verre. Ce tube en verre n'existant pas dans le commerce, il faut que je le crée moi-même. Par exemple, je peux me décider que pour faire tel et tel bijou, je dois avoir un tube en verre en arc-en-ciel, rayé. D'accord. Et ce tube en arc-en-ciel rayé, ben d'abord, il va falloir que je le crée. Donc ça, ça va me prendre une bonne partie d'une journée. Ensuite, j'ai créé ça, je vais le laisser au four jusqu'à lendemain. Je vais le sortir, je vais prendre une scie à diamant et je vais découper des morceaux de mon long tube en verre que je vais débiter en morceaux que je vais utiliser. Chaque morceau va être pour un pendentif, par exemple. Après, bon, il y a du nettoyage, polissage, etc. de tout ça. Et puis après, le travail à la flamme avec ça encore. D'autres pendentifs, ils vont me prendre 4 heures au chalumeau où je vais être 4 heures non-stop au chalumeau. Je ne pourrais pas m'absenter, je ne pourrais pas faire autre chose parce que ça risque de donner un mauvais résultat. Il faut que je reste 4 heures sur place. D'accord. Donc c'est très très variable. Je suppose que vous ne réussissez pas forcément du premier coup. Vous faites quoi du coup du verre ? Ah, le verre, il est perdu. Ah mince. C'est triste pour le verre, mais bon, il est effectivement perdu. Non, je ne peux pas le... Parce que très souvent, on rajoute des couleurs. Et si c'est loupé à ce moment-là, bon, ben, on peut pas le faire refondre. On ne peut pas rendre transparent un verre qui a absorbé de la couleur, quoi. D'accord. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas verrier depuis longtemps. Est-ce que vous n'aviez pas peur de vous lancer ? Non. Non, c'était un hobby à la base. Donc, comme je travaillais comme assistante maternelle à plein temps, c'était au départ pour s'amuser. C'est une passion. C'est devenu une passion. Et puis, on avait monté notre entreprise. On a commencé à faire des marchés de Noël, ce genre de choses. Et ça marchait bien. Et bah, plus le temps passe, mieux ça se passe finalement. Ouais. On s'était donné quelques années pour rendre le projet viable. Et bon, ça vit tranquillement, c'est bien. Ouais, c'est super ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première création ? Alors, ça devait être une perle pour chacun. Parce que toi, tu as commencé par les perles. Ouais, alors... Karine voulait monter des bijoux comme hobby. Et puis moi, j'étais là, bien brave. Je lui ai dit, mais je vais te faire la perle. Et puis, j'ai commencé. Je me suis équipé pour pouvoir faire ça. Et j'ai commencé à faire des perles. Mais en faisant des perles, j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Et puis, mes perles commencent à avoir des tentacules, des antennes, des pieds, des crocs. Et ça n'avait plus tellement le look d'une perle qu'on accroche comme boucle d'oreille ou des choses comme ça. En plus, en faire du identique. Ah non, mais ça, je ne sais pas faire des choses pareilles. Alors du coup, Karine est extrêmement gentille. Elle m'a dit, mais tu sais... Fais ce que tu as envie de créer, crée ce que tu veux. Moi, je vais faire la perle, moi. Et puis du coup, voilà, elle est partie pour faire la perle. Oui, ça a pris un peu de temps, parce que moi, et le feu au départ, la flamme du chalumeau, ça me faisait un peu peur. Donc, je l'ai regardé pendant un certain temps, ce chalumeau. Et j'ai dit, allez, hop, on y va. Et je me suis lancée et ma première perle, oh, ça devait être une perle bleue cobalt, ronde ou en forme de rondelle ou quelque chose comme ça. Rien de compliqué, mais juste oui, le plaisir de faire fondre du verre et se dire, ouais, ça ressemble à une perle, quoi. Mais je ne l'ai pas gardée, non, ça, non. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait devenir verrier ? À part vas-y, un verrier, un verrier à la flamme, donc au chalumeau, un jour ou autre, il se brûlera nécessairement. Celui qui dit qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a vraiment jamais essayé. Hein? Donc, il y a des consignes de sécurité. Il faut être assez rigoureux là-dessus parce que bon, la température dans la flamme, par exemple, quand je travaille, c'est entre 1000 et 1002. Mm-hmm. Ça commence à faire un peu chaud. C'est la même température qu'à l'intérieur d'un volcan. On y revient. Et donc, si on respecte ça, si on respecte les choses de sécurité, tout le reste, c'est une question de passion. Mm-hmm. Et puis, pas se laisser faire dans le sens où on en loupe une fois, on loupe deux fois, on loupe trois fois. Bah, c'est pas dramatique. Mm-hmm. Et puis, on réussit et on est tout content. Et puis, on réessaye plus tard et on va commencer à louper à nouveau. Mais ce n'est pas foutu pour autant, parce que tout ça, c'est de l'apprentissage. Et il faut savoir que, bon, effectivement, ça prend du temps. Mm-hmm. Et quelque part, on ne sera jamais bon. On va utiliser toute la vie pour ça. Et plus on avance, plus on apprend des choses, plus on va mettre la barre plus haut. Et plus on va se dire, non, finalement, j'y arrive pas. Mais il faut continuer, quoi. Ça vaut la peine si c'est ça qu'on aime. Mmh. Et vous, Karine, vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense qu'à part le côté technique, il ne faut pas oublier le côté commercial, on va dire. Parce qu'il faut quand même arriver à mettre en valeur ce qu'on crée, arriver à les vendre, donc se constituer un réseau. Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend au fur et à mesure. Parce que moi, je suis plutôt timide et au départ, c'était pas évident de faire les marchés ou raconter ce qu'on faisait. Mais ça vient avec le temps aussi. Quand on aime le métier, le reste, ça vient avec, je pense. Parler de ce qu'on fait, comment on fait. Oui. Mais je pense que si on a envie de le faire, il faut essayer. Parce que... Sinon, on peut avoir des regrets plus tard, je pense. Il faut mieux essayer, c'est comme avec tout dans la vie, je pense. Mm-hmm. Si on a une idée, il faudrait essayer. La meilleure façon, c'est d'aller faire un stage quelque part. Oui, tout mm-hmm. à fait. Pour taquiner un peu le verre, voir ce que c'est, voir si c'est quelque chose qui plaît. Et après, commencer à considérer si on va investir. Parce que l'équipement est relativement cher. Et régulièrement, il y a des équipements de débutants qui sont vendus quoi, d'occasion. Mm-hmm. Parce que les gens, ils ont commencé par acheter ce qu'il faut comme équipement. Et puis après, ils ont essayé. Et puis comme ils n'ont pas eu un démarrage avec un stage... ils savent pas vraiment par où partir, comment faire, etc. Et ça se solde généralement par un échec. Donc, vaut mieux investir à la fois du temps et de l'argent dans les stages, dans les formations. Essayer de voir avec le SERFAV, entre autres. Et après, une fois tout ça c'est fait, voir effectivement si c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à faire dans la vie de tous les jours. Alors nous allons faire une première pause musicale avant de parler de Bataf Création. On se retrouvera juste après avoir écouté Linkin Park, Castle of Glass. Pardon pour mon accent anglais. Allez, à tout de suite sur Radio Gémozo. Skin, show me how to be whole again. on a silver way. Past the black where the sirens sing. Warm me up in the Nova's glow. And drop me down to the dream below. Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly sur les ondes de RGM avec Karine et Dac pour parler de Bataf Création. Alors Karine, c'est quoi Bataf Création ? Bataf Création, bah c'est nous deux. Hein. De Verrier au Chalumeau. Bataf Création, le nom vient... c'est un clin d'œil à mes origines, comme je suis hollandaise. Pendant quelques années, les Hollandais se sont appelés des Bataves. Et je ne sais pas, ça m'est venu comme ça... Au tout début, quand je faisais encore que des montages de bijoux, et puis le nom est resté. Et en général, c'est des Hollandais qui passent sur les marchés, c'est « Tiens, Bataf Création, c'est qui l'Hollandais parmi vous deux ?» Donc voilà, d'où ça vient. Alors depuis quand est-ce qu'elle existe ? Elle existe depuis 2013, 14 ou 2013. Non, 2014, je crois. 2014, donc ça fait 8 ans. Déjà ? Oui. Le temps passe vite. Hein. Oui, très vite. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ouh. C'est vrai. Alors, comment vous est venue l'idée de la créer, puis de vous lancer surtout ? Comme on disait tout à l'heure, j'avais envie de faire des bijoux. C'est quelque chose que je fais depuis que j'étais ado. J'ai toujours aimé ça. Et si je voulais vendre quelque chose, on s'est dit, on monte une entreprise. Pour moi, c'est une évidence de payer mes impôts et tout le reste qui va avec. Mm-hmm. Donc, on a fait les démarches pour faire une autre entreprise à l'époque. Maintenant, ça s'appelle une micro-entreprise. Mais oui, on est en auto-entreprise. Donc, depuis 2014. Alors, quel genre de création vous vendez ? À peu près tout ce qu'on crée, on a des boucles d'oreilles, des longues, des courtes, des bariolées, des très sobres, un peu de tout, des clous comme je porte, des pendentifs, des colliers, des bracelets, des verres, des figurines, je sais pas quoi d'autre. T'as des idées toi ? Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Non, je crois que c'est à peu près tout. On a un petit volet plaisir aussi, voilà. Voilà. D'accord. Alors, j'ai vu via votre page Facebook que vous vendez des créations spécialement pour Noël. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a des décorations pour le sapin. Mmh. On a des figurines à poser. On a toute une flopée des petits lutins qui se préparent pour Noël, qu'on peut poser un peu partout, plus ou moins grands, avec ou sans socle. Enfin bon, c'est tout notre petit univers comme ça. On va avoir une série de dragons de Noël aussi, mm-hmm. qui sort peut-être un peu de la tradition habituelle, mais... Bon, l'année dernière, j'avais fait une crèche de Noël avec Joseph en biker, donc ah oui. on est légèrement décalé. Bah, c'est bien des fois, parce que d'être dans la norme, des fois, c'est un peu embêtant, je trouve. On a un peu du mal, oui. Quel produit a le plus de succès? Ça dépend. On revient au ça dépend. Oui, ça dépend beaucoup. Ça varie de... Par exemple, si on doit... Il n'y a pas un salon ou un marché qui se rassemble. Mm-hmm. Donc, il y a... On a eu des moments où on a fait un marché presque exclusivement boucle d'oreille. Mm-hmm. Pour le marché après, avoir un marché que pendentif, en gros. D'autres moments, ce sont les figurines qui partent. Oui, mm-hmm. aussi, oui. Oui. Et c'est très difficile de savoir, effectivement, quand on va quelque part, ce qui va être vendu, ce qui va plaire. Aussi. Ah oui, le même problème aussi. Avec les couleurs. Une année, j'avais fait beaucoup de boucles d'oreilles bleu cobalt. Ça marchait très bien. L'année d'après, j'avais refait du bleu cobalt. Manque de peau, c'était le bleu turquoise qui a plus cette année-là. Et l'année dernière, on m'a demandé beaucoup de rouge alors que j'avais fait du noir. Donc voilà, c'est comme le type de création, c'est très difficile à prévoir. Oui. Quelle est la période de l'année que vous préférez et pourquoi? En ce qui concerne les créations, en général. En général, pour tout. Moi, j'aime beaucoup le printemps. C'est peut-être aussi un peu plus calme côté marché pour nous, je ne sais pas. Mais sinon, l'été, on est à plein pot. On fait tous les marchés du Giremont. Donc, on est à fond dans la création. Et puis, l'été passe à une vitesse folle. Noël aussi. Moi, j'aime beaucoup les décos de Noël et l'ambiance de Noël. Et avec tous les marchés de Noël, bah, c'est pareil, le temps passe extrêmement vite. Finalement, le plus calme, c'est en début d'année. Donc l'hiver. Donc on aime bien l'hiver aussi. On aime bien l'hiver aussi, oui. Et un automne comme celui-là, il est pas mal aussi. Donc finalement, on aime toute l'année. Hein. C'est un peu ça. Voilà. Et du coup, quand vous êtes venu en France, vous n'avez pas trop été dépaysé par le climat et puis les paysages? Si. Parce que les Pays-Bas ne sont pas réputés pour leurs montagnes. Donc, effectivement, les montagnes, j'en avais jamais vu de près. Hein, donc, ça, c'était quand même quelque chose à laquelle il fallait s'habituer. Ou sinon, paysage, c'est une chose, c'était plutôt les villes. Les Pays-Bas, aux Pays-Bas, les gens, ils ferment juste leurs rideaux le soir. Et en France, les gens, ils avaient tous des volets ou des clôtures et des haies devant les maisons. Ce qu'ils n'ont pas en ville aux Pays-Bas. Donc pour moi, c'était pas mal comme changement, oui. Et vous, Dag? Bon, moi, en 80, je suis arrivé à Grenoble... à 4 heures de matin et par train. Ah oui. Et puis le volet était fermé partout, les lumières éteintes. Et puis je me suis dit, mon Dieu, il y a un couvre-feu. Et puis après, j'ai appris à vivre avec les volets, des choses comme ça. Parce que, bon, pareil, la Norvège, c'est un pays où ils montraient ostensiblement... la lumière dans les maisons, en mettant des rideaux pas très épais. c'est aussi un signe pour les gens traditionnellement que, ben voilà, il y a quelqu'un, vous êtes le bienvenu, vous pouvez rentrer. Bon, c'était la Norvège que j'avais quittée en 80, elle a drôlement changé depuis, et je crois que maintenant, s'ils pouvaient mettre des volets en fer partout, ils le feront. Mais à l'époque, c'était surtout ça qui m'avait frappé. Bon, je suis arrivé à Grenoble. Grenoble, bon, il y a des montagnes un peu partout. Donc, bon, ça ne m'a pas tellement changé par rapport à la Norvège. Bon, il y avait la neige aussi, l'hiver. Enfin bon, donc non, ce côté nature, ça n'a pas tellement changé. Mmh. Alors, est-ce que vous préférez créer quelque chose qui vous plaît, mais qui ne plaît pas forcément à d'autres personnes, ou faire quelque chose qui plairait à tout le monde, mais pas à vous ? Alors, je ne crée pas ce que je n'aime pas. J'ai fait ça une fois, une combinaison de couleurs que quelqu'un m'a demandé, que je ne trouvais vraiment pas beau. Je l'ai fait une fois, mais après je me dis non, j'arrête. J'aime beaucoup créer sur demande. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir avec des idées assez vagues, surtout les femmes, de ce qu'elles aimeraient avoir comme boucle d'oreille par exemple, et elles me laissent carte blanche et puis hop, je crée ce qui me plaît. En général, ça plaît à ces personnes-là, mais créer ce que je n'aime pas, c'est difficile aussi. J'ai l'impression que ça ne veut pas non plus. Si je dois faire des perles dans des couleurs ou des styles qui ne me plaisent pas, j'ai l'impression que je n'y arrive pas bien non plus. Donc je pense que à ce moment-là, je n'y crois pas à ce que je suis en train de faire, et donc ça ne veut pas. Donc j'ai arrêté ça, j'ai fait ça une fois, et maintenant j'écris uniquement ce qui me plaît. Et en général, je crois que c'est un bon choix. Et vous ? Si je dois faire quelque chose sur commande, c'est pas vraiment ma création. À ce moment-là, je produis quelque chose. D'accord. Et j'aime plutôt créer. Et j'ai énormément du mal à faire une figure imposée. Dans ce cas-là, généralement, ça se ressent sur le résultat et c'est pas pour moi. Donc je peux bien, si on me demande de faire telle et telle figurine, mais qu'on me donne la liberté de faire ça à ma façon, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Mais je suis incapable de faire quelque chose qui doit faire tant de millimètres dans un sens, tant dans l'autre, et avec telle et telle couleur dedans, et la forme telle et telle façon. C'est pas pour moi. Il faut qu'il y ait du plaisir dedans. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert strictement à rien que je le fasse. D'accord. Alors je voulais partager avec vous cette citation de Albert Jacquard qui dit « Sans imagination, il ne peut y avoir de création ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oh, je pense que c'est étroitement lié, oui. J'ai trouvé une autre citation de Jacques Nteka Bokolo qui lui dit « Un être dont l'esprit est constamment tourné vers la critique risque d'être incapable de la moindre création. Ben, » Il gâche son temps sur la critique au lieu d'ouvrir son esprit pour créer. Tout à fait. Oui, il ne faut pas se mettre la pression. Quand on crée, il faut créer ce qu'on a envie de créer. Après, si ça plaît ou pas, tant que ça plaît à nous, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Et ce que les autres peuvent en penser après, bah, c'est accessoire, je pense. Personne n'est obligé de l'acheter. Si ça ne leur plaît pas, bah, dans ce cas-là, ça restera chez nous. Et puis, ça nous fera plaisir à nous, parce qu'on a pris du plaisir à créer cet objet. Et puis, un jour, quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui va avoir un coup de cœur. Oui, absolument. Ouais. Ce qui ne s'explique pas. Et à ce moment-là, notre création aura trouvé sa famille. Voilà. D'accord. Et ça, c'est important pour nous. C'est clair que la création, c'est un processus positif. Donc, on crée avec notre force, notre énergie, qui est tournée vers le positif. Si on reste dans la critique, on n'a pas ce volet positif de la chose. Donc, créer à ce moment-là devient extrêmement difficile. D'accord. Ouais. Où est-ce qu'on peut acheter vos créations ? Est-ce que vous avez une boutique ? On n'a pas de boutique proprement dit. On a un coin exposition dans notre atelier qu'on a aménagé il y a quelques années. Oui, et qui n'est pas encore complètement fini toujours pas. Parce qu'on passe tellement de temps à créer que les travaux de plâtre, ça prend un peu de temps. Mais c'est tout à fait accessible. On peut venir nous voir, on peut venir nous voir travailler, on peut venir voir ce qu'on fait. Absolument. Sinon, bon, il y a les marchés, les salons, etc. Sur Batav Création, sur Facebook, bien sûr. Et puis, le jour où j'ai assez de temps pour finir de fignoler le site, pour le mettre en route à nouveau, il y aura également batav.eu qui sera opérationnel aussi. Ouais. D'accord. Et vous comptez mettre vos créations en vente sur Internet ou pas ? Oui, là-dessus, oui, effectivement. Oui. Sur notre site. Et sinon, sur Facebook, la page Batav Création. Ouais. Et ça fonctionne bien comme ça ? Oh, oui. Non, on commence à avoir pas mal d'amis sur Facebook, des gens qui nous suivent, parce que notre page est mentionnée sur la carte de visite. Donc partout où on va, il y a les gens qui prennent notre carte. On la glisse aussi dans les emballages cadeaux. Donc les gens, ils nous suivent et il y en a de plus en plus. Et puis on les retrouve sur les marchés divers et variés. Donc Facebook est un bon moyen pour se faire un réseau et puis pour montrer ce qu'on fait. Alors nous allons faire une pause musicale avant de parler de votre actualité. On vous laisse donc avec Iwi40 et on se retrouvera juste après sur le 107. Avec Karine et son mari Dag pour parler de l'actualité de Batav Création. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, les applications mobiles Orange Radio et Radio Line et les radios associatives. Alors j'adore vos choix musicaux pour cette émission, alors pourquoi avoir choisi cela ? Parce que ce sont des chansons, des groupes que nous aimons beaucoup. Voilà. C'est aussi... Ça fait partie de la musique qu'on écoute quand on travaille. Oui, on travaille beaucoup avec de la musique. Ça met une bonne énergie, de l'entrain pour travailler, oui. Est-ce que ça vous inspire parfois pour créer ? Bonne question, ça. Pas tout ce qu'on écoute. peut-être de temps en temps, il peut y avoir des mots qui passent par là, mm-hmm. qui vont faire un déclic par la suite, et puis, ah bah tiens, si on faisait ça, quoi. D'accord. Mais il y a aussi des styles de musique que j'évite d'écouter quand je travaille au chalumeau, parce que soit c'est trop entretenant et je suis plutôt en train de danser sur mon fauteuil et j'oublie de faire du verre, ou d'autres qui sont assez stressants, ou donc on est plutôt dans la musique des années 80, le reggae, le rock quand même. Ouais. Comme il m'arrive assez souvent de travailler debout, que la musique elle bouge un peu, qu'elle swing un peu, c'est pas gênant. Mm-hmm. Ça donne un bon rythme de travail, ça aide à la concentration. Mais c'est clair que quand je suis assis et que je suis en train de faire quelque chose qui est un peu plus pinailleur, à ce moment-là, il faut que ça soit un peu plus calme. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans les marchés et dans des manifestations? Des marchés, des salons, oui, absolument. Oui, oui. Oui, on est un petit peu partout. Bon, là, l'actualité pour la période à venir jusqu'à la fin de l'année, c'est surtout... au milieu du mois prochain, on va reprendre un peu, parce que là, on a une période un peu plus calme, entre guillemets, où on va préparer les marchés de Noël. Mais à partir du milieu novembre, on va commencer par un week-end au musée Peugeot. Mm-hmm. Donc, il y a des choses à préparer pour ça. Bon, on va faire quelques petites voitures en verre aussi, des choses comme ça, des motos. 12 et 13 novembre. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, le week-end après, bon, on va filer à Dijon, enfin à côté de Dijon, mm-hmm. où Artissimo ouvre ses portes à Marsannay-la-Côte. C'est un rendez-vous fidèle. Mm-hmm. Et une superbe ambiance, et parce que ça aussi c'est important, c'est quand on y va, c'est autant, bon, il y a des visiteurs, mais c'est aussi l'ambiance, le contact avec ceux qui organisent, etc. Ça a beaucoup d'importance pour nous de sentir qu'on est bien reçu, que on passe un bon moment, quoi. Et après ça, ben, on arrive à la fin du mois de novembre, dernier week-end. Et là, ce sont les marchés de Noël. Pendant les 4 semaines de l'Avent. Oui. Et donc, Karine va être le week-end à Plombières. Mm-hmm. Et bon, moi, je vais me frotter au marché de Noël de... Montbéliard. Mm-hmm. C'est une première fois qu'on y participe, parce que c'est quand même un grand marché, donc 4 semaines dehors, tous les jours. Bah, dehors, on a un chalet, dans le chalet, voilà. Mais on a pas droit au chauffage cette année. Donc, mais c'est 4 semaines d'affilée, 7 jours sur 7, et ça, on n'a encore jamais essayé. Donc oui, ça va être une grande première. Mais donc, c'est les deux seuls marchés de Noël que nous faisons cette année. Mais mm-hmm. ça prend 4 semaines au total quand même. Ouais. Peut-être que grâce à cette émission, vous aurez encore davantage de commandes, donc davantage de travail. Ben, ça serait avec plaisir, n'hésitez pas. Oui, il reste encore un petit créneau entre 10h du soir et 4h du matin. Donc, c'est bon. Est-ce que vous avez des futurs projets en dehors de la Bataf Création? On espère surtout développer notre entreprise, ça oui. Mm-hmm. Continuer à aménager l'atelier, finir les travaux. Oui, Bataf Création, comme c'est notre bébé, ça prend beaucoup de temps. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en dehors de ça, En dehors de Batave Création, bon, il y a la famille, il y a les chats, et, et voilà, notre temps est pris par tout ça. Mm-hmm. Batave Création nécessite encore d'être développé plus. Il y a des déclinaisons de Batave Création en fonction de type de création que c'est. Mm-hmm. Donc, Batave Création, c'est donc la maison mère, entre guillemets. Ensuite, tout ce que je fais, moi, c'est estampiller Girmont Vert en même temps. Mm-hmm. On avait fait ça parce que, bon, on habite à Girmont. On a aussi un chapitre Vert Plaisir. Mm-hmm. Et le dernier né, c'est Confiote Prod. D'accord. Et Confiote Prod, c'est donc les lutins et les dragons, mm-hmm. etc. Donc c'est tout un univers féerique qui se prend pas trop au sérieux à côté de nos créations purement bijoux. Mmh. Et qu'on va développer chaque fois quand notre imagination a mis le turbo et qu'on se réveille le matin avec une grosse ampoule au-dessus de la tête qui est éclairée. En mangeant une tartine de confiture. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Par les voies traditionnelles, c'est-à-dire que téléphone. Mmh. Donc, le téléphone de l'atelier, c'est un téléphone bien du coin, quoi. C'est-à-dire mm-hmm. le 03 29 30 11 19. Mm-hmm. Et sinon, on peut aussi nous joindre par un téléphone portable, donc le 06 45 99 52 32. Mm-hmm. Ou sinon par mail batave.création avec un S à la fin, @icloud.com. D'accord. Alors juste pour les auditeurs, Batave c'est avec un seul T. Oui, c'est... absolument. Alors est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux? Oui. Donc notamment sur Batave Création. Mm-hmm. Ou sur Girmont Vert. Mm-hmm. Tout ça sur Facebook. Ou sur Vert Plaisir. Mm-hmm. Et également Confiote Prod. Ouais. J'aime beaucoup le nom. le nom, ça vient du fait que j'adore faire de la confiture. Et puis, c'est parti d'un délire. ça va très, très bien avec nos lutins et nos dragons. Voilà. Un truc un peu décalé, ça nous parle bien, oui. On est également sur Instagram, mm-hmm. Dag Arsdam en un seul mot, mm-hmm. voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux? Du bonheur? Que le prix de gaz ne monte pas trop parce qu'on en a besoin pour travailler. Tout comme l'électricité. Voilà, et le verre. Hein. On a nos collègues en Italie. Les prix du gaz, ça a été multiplié par 5. Et le résultat est qu'il y a des fourneaux qui sont éteints maintenant parce qu'ils ne peuvent plus les alimenter. En Norvège aussi, d'ailleurs. En Norvège aussi. On avait parlé de mon premier... La première fois que j'avais vu du verre en fusion, et la verrerie est actuellement en train de fermer 3 fourneaux avec à la clé des licenciements, tout bêtement, parce que le prix de l'énergie est trop élevé, mais il ne peut pas continuer. Ah mince. Donc, c'est une période de turbulence, mais nous, on est tranquille, on va y arriver. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite, que du bonheur. Merci beaucoup. Il est maintenant le temps de se quitter. Dag et Karine, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendriez nous voir. Absolument. Avec plaisir. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde!